Ils ont tracé des frontières. Putain. Oh, sa mère. Pour toute la jeunesse mis en marche par cette rivière. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Pour toute la jeunesse mis en marche par cette rivière. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Ils veulent nous entasser, bloquer, cadenasser, ok. Ils veulent nous fermer les portes mais on va casser les loquets. Laissez-nous croquer, nous on a la dalle aussi. Leur vie c'est un tournoi alors tout le monde pourra après le trophée. Oh, à part la mort, personne ne peut me stopper. Je ferai tout pour être au top, même si le doute voudrait m'étouffer. Couplet, punchline, la misère ça t'inspire. T'as des projets mais pas d'une, comment veux-tu investir? Comment voir le bout quand on est mis à l'écart? Quoi qu'il arrive dans le circuit, on revient toujours à la ligne de départ. Les guerres se déclarent pour des euros ou des dollars. C'est comme un braquage, ça fait des euros ou des dollars. Ici, ma jeunesse veut la bagnole, la moto, la baraque au bled après la cagnotte du loto. Ici, chaque jour j'ai de la haine dans mes propos. Je préfère que ce soit les fans plutôt que les keufs qui me prennent en photo. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Ils veulent nous entasser, salement, perdus dans le brouillard. Optimiste, crache un rap qui motive les royas. Sale temps, personne n'a le temps d'être patient. Tu baignes dans la routine, ton quotidien est lassant. Soldat, je note quelques rimes sur mon portable. Hyperactif depuis gosse, on me dit que je suis insortable. Ok, dans les locaux c'est Hala. C'est Jamal Poto qui passe le salam au rose sur le macadam. Tous dans la même barque, des soucis en pagaille. Sans diplôme c'est dead quand je négocie un travail. J'y crois pas quand on me dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Et si on te donne du respect, que si t'es pour être oseille. Moi, j'aimerais être libre mais les frontières nous divisent. Comment tu veux que je rajoute ma pierre à l'édifice? Ça fait bientôt, c'est l'oxygène qui le monnaie. J'ai vu le bonheur marcher avec une prothèse. Ah ouais frère, c'est quoi, tu sais même pas vraiment où tu veux aller, mais t'as envie de te casser d'ici. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. J'aimerais te sentir libre mais les frontières sont tracées. Tu sais pas vraiment où mais t'as envie de te casser. Tu connais pas le luxe mais la chaleur du brassier. On est cadenassé, bloqué, entassé. T'aimerais te sentir libre mais les frontières sont tracées. Tu sais pas vraiment où mais t'as envie de te casser. Tu connais pas le luxe mais la chaleur du brassier. On est cadenassé, bloqué, entassé. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Pour toute la jeunesse mis en marche, place un critère. Entassé parce qu'on correspond pas aux critères. On a les crocs, on veut sortir de la misère. Nous aussi on veut la vie, vive, vive, rêve. Original, bombe attaque. Ah ouais.